Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Historia, l'émission par et pour les étudiants de l'Université de Lorraine de Nancy. Aujourd'hui, nous sommes trois, je suis accompagnée d'Ilana. Bonjour Ilana. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Super, merci. Je suis également accompagnée d'Anaïs qui est là à chaque fois. Bonjour Anaïs. Bonjour à tous. Qui s'est levée très tôt ce matin. Ah oui, fatiguée. C'est pas grave, t'es là quand même, c'est le plus important. Alors aujourd'hui, c'est une session un peu spéciale parce que c'est ma dernière session en tant qu'animatrice. Je serai remplacée par Théo à partir du mois prochain. Donc on va essayer de profiter un petit peu tous ensemble et puis ça va bien se passer. Et oui. Merci Ilana. On va commencer par écouter une petite musique qui s'appelle Fantasy de Earth, Wind and Fire. Search of you, many lives has brought you to recognize it's your life now. C'était Earth, Wind & Fire avec Fantasy. Merci à Radio Fadjet encore une fois. Vous êtes avec Historia. Ilana, je vais te laisser la parole. Tu vas nous faire ta chronique cinéma mensuelle. De quoi tu vas nous parler ce mois-ci ? Oui, alors je vais vous parler du coup des films d'horreur et la dimension plus que sociale qu'il y a derrière. Donc peut-être que vous êtes friand des films d'horreur, vous aimez vous installer dans votre fauteuil, prêt à affronter les ténèbres sur grand écran, mais est-ce que vous savez que derrière ces scènes terrifiantes se cachent souvent des réflexions profondes sur notre société ? Et si les films d'horreur étaient bien plus que des frissons à bas coût ? Depuis quelques années, le genre se réinvente en laboratoire politique et décryptant nos angoisses collectives avec une précision chirurgicale. Par exemple, Get Out de Jordan Peele, derrière ces scènes d'hypnose glaçantes se cache une dissection impitoyable du racisme systémique. Le héros Chris n'est pas poursuivi par un tueur masqué, mais par le rêve blanc d'une Amérique post-Obama où les corps noirs deviennent des trophées à posséder. Une métaphore si puissante qu'elle a relégué les zombies de Romero, symbole de l'aliénation consumériste dès 1968, au rang des curiosités historiques, place aujourd'hui à des terreurs plus insidieuses. Dans Hérédité d'Ari Aster, le deuil se mue en malédiction générationnelle. Les plans serrés sur Toni Collette, telle une marionnette secouée par des forces occultes, incarnent l'effondrement de la cellule familiale moderne. Le vrai monstre, l'héritage toxique des traumatismes familiaux, ces fantômes psychologiques qui rongent nos intimités. Même La France s'y met, Vermine de Sébastien Vanisek transforme une invasion d'araignées en critique mordante des banlieues. Les créatures velues ne sont que le reflet des peurs médiatiques, insécurité, fractures sociales, violences policières. Le message est clair, les vraies vermines ne sont pas celles qu'on croit. Cette nouvelle vague d'horreur politique nous rappelle une vérité essentielle. Depuis L'étrange créature du lac noir jusqu'à Us, le cinéma de l'effroi a toujours été un sismographe des anxiétés sociales. Alors la prochaine fois qu'un personnage court dans un couloir sombre, demandez-vous quelle réalité cauchemardesque se cache derrière le masque. Et voilà, c'était Ilana, à bientôt pour une nouvelle chronique cinéma. Merci beaucoup Ilana, c'était absolument passionnant. Merci. Hérédité, tu m'as rappelé des très mauvais souvenirs. Là. Il m'avait terrifié ce film. Et oui, effectivement, il est terrifiant. C'est un film d'horreur. Mais Ari Aster est vraiment très fort, je trouve. Oui. Alors, tu veux nous faire écouter The Unknowing de Jafar Hari, il me semble. Alors, on va mettre ça tout de suite. Exactement. Merci Ilana pour cette jolie découverte, hein. Franchement, très bonne chanson. Alors, à mon tour, et aujourd'hui on va parler ensemble d'un festival qui aura lieu du 22 au 25 mai à Épinal et qui s'appelle Les Imaginales. Alors de ce que j'ai compris, mes chroniqueurs du jour n'en ont pas entendu parler. Effectivement. Non, je connais pas du tout. Eh ben c'est pas grave, c'est le moment. Les Imaginales, du coup, c'est le seul festival de littérature imaginaire de France et vous pouvez y retrouver vraiment tous les genres, donc science-fiction par exemple, ça c'est mon genre préféré. Fantasy, romantasy, dark romance, vraiment il y a de tout et tout le monde peut y trouver son compte. Et les Imaginales, c'est pas seulement de la littérature, c'est aussi des expositions d'illustrateurs donc, ou d'artistes en tout genre, genre des sculpteurs, des peintres. C'est des conférences données par des universitaires, c'est des décorations absolument époustouflantes qui vous plongent dans absolument tous vos univers préférés. C'est aussi énormément d'animations, encore une fois, il y a tout, ça va de l'atelier jeux de société mené par des passionnés, au combat d'escrime en costume d'époque au beau milieu de la convention, il y a du body painting, il y a de la forge médiévale, il y a des éléments et des décoristes, vraiment c'est incroyable. Mais surtout, ça c'est ma partie préférée, il y a de nombreux auteurs autopubliés qui seront là, qui auront des stands pour vous présenter et dédicacer leurs livres, qui sont pas forcément ceux qu'on voit partout ou sur les réseaux, et j'y suis déjà allée plusieurs fois du coup aux Imaginales, et à chaque fois j'ai dépassé mon budget livre. En bref, si vous n'avez rien à faire l'avant-dernier week-end de mai, je ne peux que trop vous recommander d'aller faire un tour à Épinal, c'est pas loin, on peut y aller en train. Le festival se tient à 10 minutes de la gare, encore une fois dans des décors exceptionnels. Aussi y aller en voiture, il y a un parking, le festival est complètement gratuit, donc vous pouvez profiter de toutes les animations sans dépenser un centime. Et tout ça pour dire, bah, j'espère qu'on se voit aux Imaginales, tout simplement. Et pour rester un petit peu dans le thème fantasy, on va s'écouter une chanson de pirates avec Sail North et Tale of the Shadow. I sat upon the sea to search for phantom sails from tales my mum told me. A ghostly galleon filled with gold, she sails alone. No crew nor captain's guiding hand can tame the one the sailors call the shadow. Sun and horizon met, I weighed the anchor, hoisted sails, my course was set. My cutthroat crew conspiring with the stars our guide. They point the way through perils fraught and lead us to the one they call the shadow. None can tame the one the sailors call the shadow. Lean left, hard right. Hold tightly to her helm, she'll try to drown you just for spite. Heave ho, till first light. She'll give a fight to all who try to claim the shadow. None can tame the one the sailors call the shadow. A mighty tempest grew, the banshee cried, turn back, but our resolve was true. We pointed bow ahead and shouted, we'll break through. The jaws of hell can't hold us back, there's nothing that can keep us from the shadow. The winds blew stronger still, the ocean raged against us, tried to break our will. The sirens in the water thirsty for the kill, our vessel reeling to and fro to bear us to the one they call the shadow. None can keep us from the one they call the shadow. Shape beyond the tempest's eye, a chill ran through me spine as legend came alive. Avast I cried, all hands, as we prepare to take the one they call the shadow. Approached her shell, the skies went silent, seas went calm as if by spell. No signs of fight or flight were in her, all was well, until I tried to take her helm. Her rigging came alive, she hung my crew before me eyes. She stole my sight and cursed me captain of the shadow. She took my eyes and cursed me captain of the shadow. Clear of her, I fear she'll eat your soul, she'll take your life. Keep hope till first light. She'll claim the souls of those who try to tame the shadow. None can tame the one the sailors call the shadow. None can tame the one the C'était Sail North avec Tale of the Shadow. Vous êtes avec Historia Nancy. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux E-S-T-O-R-I-A Nancy. Et c'est au tour d'Anaïs. Je te laisse la parole. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler des Oscars, donc avec la chanson qui a marqué la 97e cérémonie des Oscars. Un film audacieux, une bande-son envoûtante et surtout une chanson, Elmal, qui a séduit Hollywood. C'est officiel, Emilia Pérez, le dernier chef-d'œuvre de Jacques Audiard, a brillé aux Oscars, sacré meilleur film international. Il a aussi été porté par une bande-son exceptionnelle et en particulier Elmal, qui vient de remporter l'Oscar de la meilleure chanson originale. Une consécration pour Camille et Clément Ducol, qui s'initient un morceau hypnotisant et profondément ancré dans l'âme du film. Mais Elmal, c'est bien plus qu'une simple chanson de film, c'est une composition qui s'inscrit au cœur du récit, une pièce maîtresse qui accompagne la transformation et l'émancipation du personnage principal. Dès les premières notes, on est saisi par l'intensité du morceau, une mélodie entêtante, des percussions envoûtantes et surtout la voix unique de Camille, à la fois profonde et vibrante. Elle oscille entre douceur et tension, traduisant à elle seule toute ambiguïté du film. Clément Ducol, à la composition, a su mêler influences latines et touches contemporaines pour créer une atmosphère musicale immersive. Le résultat, un titre qui dépasse largement le cadre du film, s'imposant comme une œuvre à part entière, capable de captiver même ceux qui n'ont pas encore vu Emilia Pérez. Déjà récompensée au Golden Globe, Elmal confirme avec cet Oscar que la musique peut être un personnage à part entière dans un film. Lors de leur discours, Camille et Clément Ducol ont exprimé leur gratitude et ont souligné combien la musique est essentielle pour porter les émotions et les histoires du cinéma. Alors si vous ne l'avez pas encore écouté, il est temps de découvrir Elmal, une chanson qui, je vous l'assure, ne vous lâchera pas. Familia a chingar y qué hicieron con esos cadáveres ácido. Miren al juez Santos, mírenlo, no le importa nada. Solo los niños, los arcos, los tratan a tiros, los llevan afuera de todos sus pueblos natales. A cambio de eso, Santos reduce los juicios a falta de pruebas. Habla esta gente. De educación disque pública especialista en las empresas fantasmas. Hoy sus contratos sí son reales, pero las disque escuelas no se construyen ahora. Cuéntanos tuyo, ¿de dónde sacaste tu jet, tu alberga, tu hotel? Miren al gobernador, ¿quién votó por él? La gente o el cártel, hay que comprar. Ay, sí, uno a uno los votos de los campesinos. Paga, págale al cártel, bombón. Ya están sentados en tu pinche trono. Puto retraso de pago, acabarás en la silla de ruedas, lo sabe bien el que perdió su mano. Sé muy puntual si eres corrupto. Miren al querido Gabriel Mendoza, a con su nueva mujer, su nueva esposa, muy joven, muy rubia. C'est déjà la fin de cette émission ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, j'espère que mes chroniqueurs ont passé un bon moment. Ah bah oui, comme d'habitude. oui, toujours. Même avec la caféine qui fait pas effet. Ah ouais, bah ça c'est dommage. Hein. Ça aurait été encore mieux sinon. Tu sauras pour la première fois, faut que tu te lèves encore un petit peu plus tôt pour que le café fasse effet. C'est ça. Mais en tout cas, Diane, on te remercie beaucoup pour tes loyaux services en tant que responsable radio. Et on te souhaite bonne continuation. Et bah, c'était un plaisir en tout cas. Vraiment, j'ai passé que des très bons moments ici. Donc merci à vous pour cette opportunité. Avec plaisir. Et puis, on sait jamais, peut-être qu'un jour je reviendrai à Nancy et que ce sera l'occasion de refaire une émission ensemble. Allez, let's go. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à la prochaine sur Historia Nancy. Au revoir, à bientôt. Au revoir.